Mais mon rap bébé, ce qui me tient à cœur, je te le dédie par ardeur, car j'aime ta fraîcheur. Si j'aime ce qui fait peur, et tu me fais peur, alors je te dédie mon rap, mon cœur, ce qui me tient à cœur. Mon rap bébé, ce qui me tient à cœur, je te le dédie par ardeur, car j'aime ta fraîcheur. Si j'aime ce qui fait peur, et tu me fais peur, alors je te dédie mon rap, mon cœur, ce qui me tient à cœur. Pour toi, je me pose bébé sans rancœur. Range mon épée, celle qui me sert de fine fleur. Décide d'immortaliser cet instant de bonheur. Parce que je vois ce que tu attends de moi. Mais ne crois pas que je t'aime parce que je te tiens la main. Je dis juste que ce serait dur de vivre sans toi demain. Alors mon rap bébé, ce qui me tient à cœur, je te le dédie ma fleur, car j'aime ta fraîcheur. Qui j'assais combien les femmes aiment qu'on les dresse. Qui j'avoue combien elles aiment toute son adresse. Qui j'assais combien les femmes aiment qu'on les dresse. Qui j'avoue combien elles aiment toutes. Pour toi, je dis pas que je ferais n'importe quoi. Je me demande jusqu'où j'irai vraiment pour toi. Te savoir près de moi et savoir que tu penses à moi fait de moi le plus fier, ouais, encore une fois. Blonde à croquer et brune même pulpeuse. Divine rousse encore et belle entraîneuse. Mon sexe est à pile 100% alcaline. Mon cœur est de moi tout ce qu'il y a de plus fragile. C'est mon rap bébé ce qui me tient à cœur. Je te le dédie mon cœur, ouais, car j'aime ton odeur. Qui j'assais combien les femmes aiment qu'on les dresse. Qui j'avoue combien elles aiment toute son adresse. Et mon rap bébé, ce qui me tient à cœur, je te le dédie par ardeur, car j'aime ta fraîcheur. Si j'aime ce qui fait peur, et tu me fais peur, alors je te dédie mon rap, mon cœur, ce qui me tient à cœur. Rap bébé, ce qui me tient à cœur, je te le dédie par ardeur, car j'aime ta fraîcheur. Si j'aime ce qui fait peur, et tu me fais peur, alors je te dédie mon rap, mon cœur, ce qui me tient à cœur. C'est un rap qui sort du cœur, je te jure, y a pas plus fort. C'est mon rap qui sort tout droit de mon cœur, je te dois bien ça, ouais, après tout ce que je ressens pour toi. Et ne crois pas que je t'aime parce que je te parle de ça. Mais te voir demain sans toi, moi j'y crois pas. Alors mon rap, ma fleur, ce qui me tient à cœur, je te le dédie et sans peur, car j'aime ton ardeur. Qui j'assais combien les femmes aiment qu'on les dresse. Qui j'avoue combien elles aiment toute son adresse. Qui j'assais combien les femmes aiment qu'on les dresse. Qui j'avoue combien elles aiment toutes. Pour toi, je dis pas que je ferais n'importe quoi. Mais de marcher sans toi, c'est pire de porter sa croix. Te savoir loin de moi, il fait froid, m'en parle pas. Mes pensées sont pour toi, mes envies sont à toi. Adeline ou Séverine, Isabelle ou Estelle. Avec des enfants ou bien même des amants. Mon sexe est à pile, 100% alcaline. Et mon cœur est fragile, mais je reste bien habile. Car c'est ton rap, bébé, ce qui me tient à cœur. Un pur rap, mon cœur, où sort que du bonheur. Qui j'assais combien les femmes aiment qu'on les dresse. Qui j'avoue combien elles aiment toute son adresse. Et mon rap, bébé, ce qui me tient à cœur, je te le dédie par ardeur, car j'aime ta fraîcheur. Si j'aime ce qui fait peur, et tu me fais peur, alors je te dédie mon rap, mon cœur, ce qui me tient à cœur. Rap bébé, ce qui me tient à cœur, je te le dédie par ardeur, car j'aime ta fraîcheur. Si j'aime ce qui fait peur, et tu me fais peur, alors je te dédie mon rap, mon cœur, ce qui me tient à cœur. Pour toi, je me pose bébé et sans rancœur. Range mon épée, celle qui me sert de fine fleur. Décide d'immortaliser cet instant de bonheur, parce que je vois ce que tu attends de moi. Mais mon rap bébé, ce qui me tient à cœur, je te le dédie par ardeur, car j'aime ta fraîcheur. Si j'aime ce qui fait peur, et tu me fais peur, alors je te dédie mon rap, mon cœur, ce qui me tient à cœur. Rap bébé, ce qui me tient à cœur, je te le dédie par ardeur, car j'aime ta fraîcheur. Si j'aime ce qui fait peur, et tu me fais peur, alors je te dédie mon rap, mon cœur, ce qui me tient à cœur. Ce qui me tient à cœur, car j'aime ta fraîcheur, et tu me fais peur. Et mon rap bébé, ce qui me tient à cœur. J'aime ta fraîcheur. Qui j'aime, ce qui fait peur, et tu me fais peur. Alors je te dédie mon rap, mon cœur, ce qui me tient à cœur. Ce qui me tient à cœur, je te le dédie par ardeur. Ce qui me tient ta fraîcheur. Qui j'aime, ce qui fait peur, et tu me fais peur. Alors je te dédie mon rap, mon cœur, ce qui me tient à cœur. Je te le dédie par ardeur, car j'aime ta fraîcheur. Qui j'aime, ce qui fait peur, j'aime ta fraîcheur. Alors je te dédie mon rap, mon cœur, ce qui me tient à cœur.